Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 5. Depuis que les hommes sont hommes, ils racontent des histoires. Des histoires pour expliquer le monde. Ce monde qui les entoure, rempli de mystères et de complexités. Un monde qu'ils veulent à tout prix élucider. Mais parfois les questions restent sans réponse, ou les réponses ne sont pas tout à fait vérité. C'était une nuit sans lune, une nuit tellement sombre que les étoiles en perdaient le nord. Cette nuit-là, une étoile sans nom s'égare dans la nuit noire. Elle dégringole du ciel et s'écrase dans un champ. Elle a peur, elle a froid. Elle se demande pourtant « Que va-t-il advenir de moi ?» Passe par là un loup affamé. On sait que ces bestioles mangent de tout. Chaperons rouges, grand-mères et même chevreaux. Rien ne résiste longtemps à leur croc. L'étoile, ignorant le danger approchant, pour se donner du courage dans l'obscurité, flamboie, splendide et scintille de mille feux. Le loup et sa faim repèrent la lumière. Il est encore vif, l'animal, malgré tous ses jours à jeun. Il se jette sur le corps céleste, l'immobilise avec ses lourdes pattes, ouvre la gueule et... Mais l'étoile ne se laisse pas faire. Dans un sursaut de vie, elle emploie toute son énergie pour éblouir l'assaillant. Le loup de douleur hurle. « Maudit briquet, vas-tu te laisser manger ?» Les yeux picotent et pleurent, mais le loup, d'un coup de patte, enterre l'astre. Elle étouffe la pauvre, suffoque, commence à s'éteindre. Mais un bruit de branches cassées lui sauve la vie. Jeannette, lampe à huile à la main, apparaît à l'horizon. Le craquement attire l'attention du loup. « Oh, v'là qu'autre chose à cette heure. Qu'est Dieu pour si peu. Jimsou, je m'en vas. » Et le loup se sauve. L'étoile toussette et Jeannette arrive à sa hauteur. Elle déterre la pauvre et la lance de toutes ses forces dans le ciel. L'étoile se raccroche au vide et retrouve sa place dans sa constellation. Ainsi se termine l'histoire de l'étoile sans nom. Mais combien d'autres déboussolés par la noirceur n'ont pas fini ensevelis par quelques prédateurs de grand chemin ou par étourderie de l'univers? Un grand nombre probablement. Peut-être que les étoiles, hormis celles du berger, ont vite tendance à s'égarer sur notre planète. Pour preuve, le fer, mes enfants. Cette trace d'étoiles sur Terre, une sorte de poussière céleste abandonnée sur notre sol, et parfois recouverte comme un trésor qui se laisse désirer. Le fer est un peu l'enfant de ces générations d'étoiles géantes, nées il y a longtemps, très longtemps, bien avant le soleil. Depuis que les hommes sont hommes, ils racontent des histoires. Des histoires pour expliquer le monde, ce monde qui les entoure, rempli de mystères et de complexités. Un monde qu'ils veulent à tout prix élucider. Mais parfois les questions restent sans réponse, et les réponses ne sont pas tout à fait vérité.